Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM et en direct s'il vous plaît. Et pour l'émission de ce soir, on va se mettre dans la variété culturelle, dans l'ouverture aussi multiculturelle avec Martine Fazer de l'agence Tropic Events qui annonce le marché des arts vivants et de la musique du monde qui a lieu ce vendredi 28 juillet 2018 à Rue sur Moselle. Alors, déjà bonjour Martine. Eh bien bonjour Lou. Ah mince, ton micro a un petit souci, mais tant que j'y pense, vu que bon, c'est les petits aléas de la vie, j'annonce aussi rapidement un concert qui aura lieu samedi 21 juillet à 20h45. Ce sera Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène pour les Polyphonies Corses. J'ai 10 places à faire gagner. Donc comme je disais, samedi 21 juillet à 20h45 à l'Abbatiale Saint-Pierre à Remiremont. Plutôt que de payer 20€ la place pour écouter des Polyphonies Corses, vous avez 10 places à gagner. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous écrire un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo pour dire que vous voulez ces places. Premier arrivé, premier servi, vous connaissez la maxime à la radio. Et voilà, donc je le répéterai plus d'une fois. Et d'ailleurs Martine, tu m'as révélé il y a quelques instants que tu avais aussi des places à faire gagner pour ton festival, pour ton concert que tu organises ce vendredi à Rue sur Moselle. Donc déjà c'est une première à la radio, j'imagine. Une première pour moi ou tout simplement pour le concert. On a un petit problème technique, alors je vais remettre la musique et puis j'espère que ce sera rapidement réglé. Normalement, le problème est réglé. Martine, c'est bon, eh ben tu es là ? Je suis là. Ah mince, c'est encore problématique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va remettre le générique tout simplement en espérant trouver la solution. Je suis vraiment désolée aux auditeurs, c'est les aléas du direct. Enfin bref, on se retrouve en espérant cette fois que ce sera réglé. En espérant que le problème soit réglé pour de bon, ça va Martine, tu as un ça peu chaud. Ça va toujours, oui, ça va. Moi, je t'entends vraiment pas. Marcus est là pour régler un petit peu les problèmes. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton... Alors oui, merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Et je salue les auditeurs de Radio Gémozo. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, ça y est, c'est réglé. Ah super, je revois le sourire de Lou. Ah oui, ça y est, bah, c'est des choses qui arrivent, les problèmes techniques. C'est les aléas du direct, comme on le disait. Merci beaucoup Marcus d'être intervenu. Et comme tu le disais, tu fais bien de le dire. Bonsoir aussi aux auditeurs qui sont là chaque soir, si fidèlement. Et n'hésitez pas à faire des retours, ne serait-ce que pour les polyphonies Tony Corse pour l'émission. Enfin bref, vous connaissez le topo, vous avez le droit de réagir en live sans aucun problème. Et donc Martine, ça y est, le micro fonctionne. Tu es là pour présenter un petit peu déjà ton entreprise, hein, l'agence Tropic Events, qui d'ailleurs a une particularité, elle a une antenne à Mulhouse et une aussi en Guadeloupe. Mais on ne peut absolument rien cacher. Eh non. Effectivement, effectivement. Alors, je suis de Guadeloupe, moi-même, je suis guadeloupéenne, mais j'habite Mulhouse aussi, parce que je suis mulhousienne par le cœur, mariée à un Alsacien pur et dur. Et me voilà donc avec mon entreprise qui a commencé en Guadeloupe, au Moule très précisément, où je suis née. Et nous avons ouvert une antenne également à Mulhouse. Donc l'agence Tropic Events est une agence de communication événementielle. Nous organisons des événements, des colloques, des salons. Nous organisons aussi des mariages pour ceux qui sont intéressés. Voilà, une petite page de pub refermée. Bref, tout ce qui concerne événementiel. Et nous sommes également porteurs de projets. Et plus particulièrement donc sur ce festival dont on va parler là maintenant. En effet, parce que ce festival, c'est ce qui est porté par ton projet. Mais j'aimerais... Ah d'ailleurs, tiens, j'ai le bonjour à passer d'une des auditrices, hein, Zolveig. Coucou Zolveig, qui te passe aussi le bonjour. Merci beaucoup. Et oui, donc j'aimerais savoir... Donc toi, tu es guadeloupéenne, c'est toi qui a créé l'entreprise Tropic Events? Absolument, oui. L'entreprise a une dizaine d'années maintenant. Ça fait 3 ans, tout juste 2 ans et demi que nous sommes installés à Mulhouse. Et ça va être le premier événement que nous organisons dans le secteur. Un autre sera organisé un petit peu plus tard du côté de Mulhouse, d'ailleurs au Parc Expo, un salon bébé, le premier salon bébé qui va se tenir. Et là, c'est sur la musique, parce que dans l'ensemble des activités que je mène, c'est vrai que nous sommes très portés sur le culturel et que nous avons beaucoup d'événements, même en Guadeloupe, sur le culturel. Et oui, parce que le but de cette entreprise, c'était de mettre en avant la culture, c'est des Caraïbes, si je ne me trompe pas. Alors, non, je me trompe. Non, c'est tout bien. C'est un petit peu plus large que ça, mais c'est tout bien. C'est mettre en avant, alors en tout cas, le festival avait pour objet de mettre effectivement en avant, de faire connaître un peu mieux des musiques qui parfois peuvent être méconnues, tout simplement parce qu'on les entend moins souvent, on a moins l'habitude de rencontrer des artistes de ces territoires-là. Mais élargi également à d'autres territoires, puisque ce festival qui s'appelle un marché des arts vivants et des musiques du monde, c'est vraiment ouvert sur le monde. Donc ce qui veut dire que nous mettons en avant des musiques qui viennent de la Caraïbe, du Pacifique, de l'Afrique, mais également de France, qui vont se retrouver dans ce projet. Alors, et cette année, comme c'est la première édition, on commence tout doucement, donc sur une seule journée, donc une grande scène, sur une journée, mais avec des invités qui viennent d'Haïti, de Guadeloupe et du Cameroun. Et des Vosges. Ah, en effet, des Vosges. Et oui, aussi. On reviendra plus en détail sur la totalité du programme. Mais oui, d'après ce que j'ai compris, t'en es pas à ton coup d'essai pour des festivals de musique du monde et d'art vivant, mais c'est une première à Rue. Tu en avais fait d'autres avant et ailleurs ? Ailleurs, oui, en Guadeloupe, j'ai fait un événement qui s'appelle le Blues and Jazz Fusion Concept. Il y a eu 2 éditions, puisque c'est quelque chose c'est pas un festival qui se fait de manière annuelle. On va le refaire en 2019. C'était une scène un peu particulière, puisque c'était essentiellement tourné vers le jazz et le blues, donc avec des musiciens qui venaient des États-Unis, de France, d'ailleurs, et qui sont totalement portés par cette musique, et des voix féminines. Donc c'était un mix entre des bluesman, des jazzman, et à chaque fois une voix féminine qui portait cette musique et ce projet. Et c'est sensationnel. Moi, ça me donne des frissons, la musique. Je ne suis pas comment je pourrais dire, je n'ai aucun talent musical, c'est-à-dire que je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne sais pas chanter, mais par contre j'ai beaucoup beaucoup d'amour. Cela me fait vibrer d'entendre des artistes, de les voir chanter, de les voir manier des instruments. Je trouve ça magnifique, et donc moi je me mets à leur service en organisant des événements où ils peuvent se produire, et j'adore ça, parce que comme je ne suis pas du tout, je ne sais pas le faire, donc je suis en admiration devant ceux qui savent. ça se comprend en effet, hein, mettre en avant des artistes pour partager aussi cette passion qui t'anime. Et comme tu l'as bien dit, cette édition qui aura lieu le 20 juillet à Rue, c'est une première. D'où t'es venue l'envie d'emmener le marché des arts vivants et des musiques du monde dans les Vosges? Alors, d'abord, Edine, ce projet était dans les cartons depuis au moins 3 ans. J'avais envie de faire un festival avec plein de musiques différentes venant de contrées différentes et en même temps présenter un petit peu ce qu'on appelle le monde du disque, parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui, le disque, mais voilà, ça se vend de moins en moins, mais il y a des plateformes, il y a d'autres manières de faire ce qu'on appelle de la distribution musicale. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle marché, c'est parce que... j'espère dès la prochaine édition que nous inviterons, que nous recevrons des bookers, donc des gens qui sont des spécialistes, des professionnels de l'organisation de concerts, des directeurs de salles, pour qu'ils viennent à la rencontre d'artistes, de musiciens, de danseurs, de chanteurs qui peut-être n'auraient-ils pas croisé dans d'autres circonstances, mais là on les amène sur un territoire où ces professionnels pourront venir les écouter, les rencontrer, échanger avec eux et peut-être pouvoir les programmer sur l'une de leurs scènes l'année suivante ou en tout cas une programmation dans une salle de théâtre, dans une salle de danse, qu'importe. Et l'idée, c'est vraiment de mélanger les arts vivants, donc la musique, le théâtre, la danse, les arts de rue, plus la musique. C'est pour ça que ça s'appelle donc Marché des arts vivants et des musiques du monde. Et toutes ces musiques, eh bien, viennent donc des Amériques, les Amériques latines, viennent de la Caraïbe, Grande Caraïbe, donc ça peut être la Guadeloupe, la Martinique, mais viennent aussi du Pacifique. Et donc on a toutes les îles de la Nouvelle-Calédonie, on a Tahiti. Donc on a vraiment un vivier immense de musiques souvent on connaît, hein, mais que parfois aussi on méconnaît. Et j'avais envie vraiment de les faire découvrir chaque fois en invitant des artistes. Ce qu'on peut appeler des artistes émergents, donc qui ne sont pas encore vraiment au fait de leur notoriété, et puis des artistes bien sûr majeurs qui peuvent être ce qu'on appelle des têtes d'affiche pour emmener derrière eux ou avec eux ces jeunes artistes qui ont besoin aussi de ces scènes pour se faire connaître du grand public et également de ceux qui sont des professionnels de ces milieux artistiques. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, vu que je paraphrase un peu ce que tu dis, tu ouvres un peu la culture la culture des Caraïbes à la population vosgienne, mais en même temps, tu permets aussi aux artistes présents de se créer un réseau absolument professionnel. En voilà. Fait, tu fais tout d'un coup. C'est vraiment un lieu où ils pourront échanger. Ce que je leur dis, pour ceux qui sont là cette année, ça sera peut-être un tout petit peu plus timide, parce que c'est une première édition et nous avons invité des bookers, mais je ne sais pas encore s'ils seront là, puisque nous arrivons, on est, comme on dit, un nouveau festival, petit dernier né d'une grande famille de festivals qui se tiennent dans cette période-là. Et on sait qu'il y a beaucoup de festivals, il y a pour tous les goûts. Mais nous espérons faire notre place avec cette diversité aussi, en proposant des choses un petit peu sans doute différentes, mais également des artistes qui sont de jeunes artistes du cru. Voilà, de la région, qui auront envie de venir rencontrer, échanger, partager avec, pourquoi pas, des artistes qui viennent de Guyane, qui viennent de Nouvelle-Calédonie, qui viennent d'Afrique, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de partager au plus large, de se faire connaître, de mettre en place une plateforme pour permettre à ces artistes de se faire connaître pour ceux qui sont encore émergents, pour ceux qui sont déjà, on va dire, assurés, qui ont cette notoriété, et bien de peut-être capter un nouveau public. Et puis également, eh bien, de permettre à des professionnels de venir à la rencontre, chercher peut-être la perle rare pour eux qui sera à la tête d'affiche de leur prochaine programmation. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ça peut toujours permettre à des artistes de voir leurs rêves aboutir et aussi le fruit de leur travail après tout. Parce que c'est aussi ce que tu fais, hein, mettre encore une fois en avant l'ouverture culturelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, du moins moi, c'est que c'est ce que j'ai vraiment ressenti en lisant le dossier de presse que tu m'avais envoyé, que c'est vraiment dans le partage et la convivialité. Et on va peut-être s'écouter une première pause musicale avant de parler de la programmation. On va peut-être s'écouter le morceau d'Eric Aliana et Piquette pour Ngaré. Ça te va ? Très très bien, très très bien. C'est l'un des artistes majeurs du plateau scénique que nous allons avoir. En effet, donc on s'écoute ce morceau tout simplement et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Noko san nangare. Ngare ta mumbererino. Ngomenga ngare ta mumbererino. No bunda ngare. Va bunda ngare. Ngare ta mumberera wo. Ngare ta mumberera wo. Nwerie ni toki. Nwerie. Nwerie ni toki. Nwerie ni toki. Nwerie. Nwerie ni toki. Ngare ta mumbererino. Etonu ben vihindi. Etonu ben vantanga. Etonu ben va bortutu. Etonu ben va chona. Etonu so ben guanonderi. Etonu benso vakoko, etonu so vihindi, ngare ta mumbererino, ngare ta mumberarao, etona, etona, etona, etona, etona, ngare ta mumbererino, etona, etona. Etona, etona, etona, ngare ta mumbererino. Ngare ta mumbererino. Ngare ta mumberarao. Etonu ben vihindi. Ngare ta mumbererino. Etonu ben apario, ngare ta mumbererino. Etonu ben amalio, ngare ta mumbererino. Etonu ben asiri, ngare ta mumbererino. Etonu ben ajibuti, ngare ta mumbererino. Etonu ben sonjaminao, ngare ta mumbererino. Etonu ben afotokolo, ngare ta mumbererino. Etonu ben afotokolo, ngare ta mumbererino. Etonu ben a New Yorko, ngare ta mumbererino. Etona, etona, etona. Etona, etona. Ngare ta mumbererino. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Ngare de Eric Aliana pardon, et Piquette. Donc, si vous voulez réagir sans aucun problème, vous pouvez toujours appeler au 03 29 62 40 40 ou nous écrire sur notre page Facebook Radio Gemozo. D'ailleurs, Martine, tu avais dit qu'il y a des places à gagner aussi pour le concert de vendredi. Oui. Ben, 3 places à gagner. Voilà, c'est parti. C'est quand vous voulez. Pour écouter Eric Aliana, qui sera donc la dernière scène hein, sur ce plateau que nous allons avoir. Il faut savoir qu'il y aura 4 artistes qui vont passer ce soir-là, le 20 juillet. Et je voulais juste revenir sur ce titre d'Eric Aliana quand même pour faire remarquer à quel point donc c'était épuré. Hein, vous avez remarqué, c'est vraiment c'est de la vocalise, enfin c'est sa voix pure et c'est sa voix qui sert également, qui sert toutes les tonalités de cette musique très, je dis très, très, très essentielle. Voilà, c'est sa voix qui fait tout, il y a très très peu de chœurs qui arrivent à la fin, mais ça nous permet de voir la qualité vocale de cet artiste sans accompagnement, a cappella, donc toutes ces tonalités et c'est dans sa voix. Et ça, il l'expliquera sans doute sur scène, mais cette particularité qu'ont aussi ces parfois ces artistes qui viennent de pays d'Afrique, entre autres, c'est cette capacité qu'ils ont à faire que leur voix dépasse les limites de la montagne. Il faut se parler de très très loin, il faut s'entendre, il faut communiquer, échanger, et parfois on est très loin l'un de l'autre et il faut se faire entendre de celui qui parfois est à des centaines de mètres. Et donc il faut que la voix elle porte, mais il faut qu'elle porte de manière harmonieuse. Et c'est un peu ça aussi qu'on retrouve dans ces chansons qu'il va nous interpréter, mais souvent avec Piquette, qui est ce musicien que vous allez, pour ceux qui viendront, qui vont voir que c'est un musicien discret, mais vraiment hors pair. Et Eric Aliana, il est chanteur, compositeur, multi-instrumentiste, et il a une capacité de vocalise qui est assez extraordinaire aussi. Oui, donc je répète encore une fois, hein, pour l'écouter, vous pouvez toujours gagner. Il y a 3 places à gagner pour ce soir, pour le concert de vendredi, ou sinon aussi 10 places à gagner pour un concert de samedi des Polyphonies Corses. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40, et tant que toutes les places sont disponibles, vous avez le choix. Hein, vous pouvez même prendre pour samedi, pour vendredi, pour samedi, hein, comme je disais, premier arrivé, premier servi. Et on était là comme tu le disais, on a écouté juste avant Eric Aliana et Piquette on dit Piquette ou Piquet ? Piquette. D'accord, Piquette. Et eux qui se produiront en effet, qui feront partie du concert de la soirée que tu organises pour la journée du 20 juillet. D'ailleurs, ça te tente qu'on parle un peu de la programmation, que les auditeurs savent ce qui se passe ? Oui, bien volontiers. Alors on t'écoute. Qu'est-ce qui va se passer le matin ? Parce que ça commence tôt, oui, je crois. Oui, oui. Alors le 20 juillet, la journée est séquencée en matinée. Alors elle n'est pas vraiment découpée de manière, on va dire, très très hiérarchisée ou très très précise. En tout cas, dès 9h30 et jusqu'à midi, certains de nos artistes, entre autres Eric Aliana, ainsi que le groupe Duoka, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure, qui est un groupe qui vient de Guadeloupe et qui va, lui, être présent sur la scène également avec un instrument qui est le groka. Je reviendrai, c'est un tambour traditionnel qui a une longue histoire et qui se décline dans notre musique en Guadeloupe, dans la Caraïbe, qui se décline au travers de l'instrument qui s'appelle groka, mais de la danse qui s'appelle aussi groka et de la musique. En fait, c'est un instrument, une danse et une musique qui portent ce nom. Et donc, nous en reparlerons sans doute tout à l'heure. Mais voilà, cet atelier, ils seront présents entre instruments groka et saxophone, qui sont les deux instruments de ces musiciens que sont Jean-Fred et Marcel, et qui vont donc à la fois au travers d'un moment de partage un peu historique, un peu musical, vont faire un peu l'histoire de cet instrument, le groka, et de l'initiation, comprendre les sonorités. Il y a 7 rythmes différents sur le groka, et chaque rythme a une histoire, chaque rythme se danse différemment. Il y a le Padjambel, il y a les noms vont bien sûr pas me revenir tout de suite, c'est évident, le grage. Voilà, nous avons 7 rythmes différents qui permettent aux musiciens de composer au travers de cet instrument, et chacun de ces rythmes se danse aussi différemment. Il y a une sorte de communication entre le tambourier, celui qui frappe le tambour, et le danseur qui est en face, qui peut être une danseuse comme un danseur. Donc c'est toute cette histoire qu'ils vont relater au travers des ateliers, et pourquoi pas faire un peu d'initiation. Donc voilà, ça c'est le matin avec le duoka que sont Marcel et Jean-Fred, et également un atelier qui sera là, une causerie avec Eric Aliana. Alors là aussi, il va parler de l'esthétique de sa musique, répondre aux questions, échanger avec les gens, faire un peu d'initiation vocale, pourquoi pas, montrer un petit peu tout cela. Et en fait, nous avons souhaité ces ateliers un peu libres, pas complètement figés dans leur contenu, parce que c'est vraiment un échange, une causerie, une participation, c'est vraiment du retour, de l'échange avec le public qui sera là. Donc en fonction de leur appétence, de l'envie qu'ils auront, des questions qu'ils vont poser, que cela va se construire avec eux. Voilà, donc toute une matinée avec les artistes et avec le public qui viendra nous rendre visite. Je précise que les ateliers seront payants de 5 euros, mais ils sont gratuits pour toutes les personnes qui prennent leur ticket pour le soir. Donc si vous venez assister au concert et que vous prenez votre ticket, vous pouvez vraiment participer de manière tout à fait libre et rencontrer des artistes pour un échange vraiment privilégié avec eux en matinée, à votre rythme, à partir de 9h30 jusqu'à midi, ils seront disponibles. Et je pense qu'on parlera un petit peu plus tard des tarifs d'entrée, parce qu'après tout, c'est quand même important d'en parler. C'est d'usage aussi quand, quand on parle d'un concert ou d'un festival, enfin des choses comme ça. D'ailleurs, c'est un festival que tu organises. C'est un festival, c'est la première édition. C'est vrai qu'il se tient sur une seule journée. On a tout concentré sur une journée parce que c'est la première édition, parce que j'ai besoin de le poser. Comme je t'expliquais tout à l'heure, ça va être le premier festival que j'organise dans la région. Donc j'ai besoin moi aussi de créer mon réseau, de prendre des forces. Des salons, je sais en faire, des festivals, je sais en faire, mais j'en ai fait dans la Caraïbe, j'en ai fait ailleurs. Et là, je me suis dit, il faut qu'on prenne la mesure, que le public vienne à nous, qu'on se rencontre, que petit à petit, ils grandissent. Et j'espère que cette année, cela se passera bien et que nous pourrons, dès l'année prochaine, dès la prochaine édition, poser le festival avec 4 jours, puisque c'est un festival qui est prévu sur 4 jours. Et avec vraiment des plateaux venant de la Caraïbe, du Pacifique, de l'Amérique latine, de l'Afrique et de la France. C'est vraiment 5 continents, entre guillemets, qui vont se retrouver sur ce festival, entre musique, danse, théâtre également, spectacle de rue. C'est vraiment ça, le cœur même de ce festival. C'est vraiment tous ces arts vivants et cette musique qui doivent s'y retrouver. Cette année, nous sommes dans un petit... on est au début. Oui, un plus petit format parce que c'est une première édition dans les Vosges. Et si ça se passe bien, tu penses que ça se reproduira encore à Rue ? Alors, je ne sais pas si ça se reproduira à Rue. Nous sommes déjà à la recherche, donc voilà, c'est un appel qui est lancé. Nous sommes déjà à la recherche d'un lieu qui soit à la dimension d'un festival de cette nature sur 3-4 jours, qui nous espérons va rapidement drainer du monde, puisque dès la sortie de la première édition, nous mettons dès septembre au travail pour l'édition suivante, avec des artistes qui ont déjà été pressentis, qui sont déjà... prêt à travailler pour l'année prochaine, et avec également ce qu'on appelle des résidences d'artistes, de jeunes artistes que nous souhaitons rencontrer plusieurs mois avant le festival, qui vont travailler des partitions ou des productions les besoins du festival. Donc nous serons sur le territoire très très en amont pour la prochaine édition. Mais en tout cas pour celui-ci, nous sommes à Rupes et nous espérons trouver un lieu d'accueil qui soit un lieu en plein air avec toutes les commodités nécessaires pour pouvoir faire une belle scène avec de nombreux artistes sur 3 ou 4 jours. Oui, en effet, parce que tu essaies vraiment de développer en fait ton festival dans le département des Vosges, parce que tu l'as bien dit, tu l'as fait ailleurs. On n'aura pas trop le temps de parler des autres ateliers avant la pause musicale suivante, mais tant que j'y pense, si c'est un festival et qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y aura des stands ou des choses comme ça ? Alors pas cette année, hein, puisque le site sur lequel nous nous trouvons ne le permettra pas, donc j'ai invité des exposants à venir d'associations africaines, donc nous verrons si elles répondent à l'appel, mais en tout cas nous proposons donc un plateau de choix en soirée à partir de 19h30 avec 4 artistes qui vont passer sur la scène, et puis donc des ateliers dans la matinée. Et j'oubliais, nous allons sans doute faire aussi des petites incursions, 2 incursions dans les rues. Voilà, ça on pourra en parler aussi tout à l'heure. Voilà, faut donner envie et entendre déjà les premières sonorités. À la rigueur, tu sais quoi, on va s'écouter la pause musicale suivante. On va pas se réécouter tout de suite Eric Aliana, on va se passer peut-être l'autre groupe local, le duo Eve et Dino. Très bien. Si j'ai bien compris, c'est le morceau que tu m'as transmis qui s'appelle Les Eaux de Mars, que vous découvrirez à partir de 19h30. À Rue pour le festival. On va parler dans quelques instants aussi du lieu où ça se passe. Enfin bref, c'est Les Eaux de Mars de Eve et Dino, et on se retrouve juste après. Qui sont vosgiens. Oui, et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, la vie de le néant, c'est la pique et jacasse, c'est c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, pas sûr, pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde inclose. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois. Certains jours, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un coron sommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Joseph et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un point, une bosse, une tache, un con, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère. Les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, les mystères profonds. Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et pour ceux qui ont envie alors ou de réagir en direct ou simplement de gagner une des nombreuses places que j'offre, donc 10 places pour Jean-Paul Poletti, le cœur de Sartène, donc des Polyphonies Corses qui seront samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre à Remiremont, un très très beau cadre. Donc là j'ai 10 places à offrir pour ce concert de samedi, mais j'ai aussi 3 places à offrir pour le concert de vendredi ou pour la journée de vendredi pour le festival des marchés art vivant et des musiques du monde organisé entre autres par Martine Fazer de l'agence Tropic Events qui a un pied en Guadeloupe, un pied à Mulhouse. Et oui, Martine est avec nous ce soir pour parler plus en détail de son festival vu que c'est une première à Rue. Tu as dit tu as organisé plein d'autres événements, mais voilà, c'est une première dans les Vosges. Et on a déjà fait une partie du programme, en tout cas programme de la matinée avec les ateliers. D'ailleurs, tu as dit que pour ceux qui n'ont pas de billets pour le concert du soir, c'est 5€ pour les ateliers ouverts à tous. Hein, donc voilà, c'est un tarif assez raisonnable. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe après, courant de la journée? Alors, petite surprise déambulatoire, nous allons... nous poser ça et là, très probablement à Remiremont, très probablement à Rupes, pour faire une petite animation rapide. On appelle ça chez nous en Guadeloupe des coups de tambour. Alors le coup de tambour, ça veut dire c'est vraiment un instrument, c'est le tambour qu'on emmène quelque part et il y a deux, trois musiciens qui s'assoient devant le tambour et qui jouent un morceau, deux morceaux pour haranguer un peu la foule, musicalement parlant. Et là c'est un petit peu l'objectif que nous avons, c'est à la fois, c'est un petit peu comme on faisait avant de passer avec des porte-voix dans les communes pour annoncer un événement, que ce soit un événement politique ou culturel, on passait avec une voiture ou avec un crieur, et bien nous on le fait musicalement, donc on va passer sur deux, trois sites, donc très probablement donc à Rupes, près d'un café, dans la Grande Rue sans doute, et puis à Remiremont sur une place où il y a des commerçants très probablement, et on va s'asseoir quelques minutes pour haranguer la foule musicalement parlant, distribuer quelques flyers et leur donner l'envie de venir le soir écouter les musiciens qu'ils auront pu croiser dans la rue ça et là. Et ça sera à partir de 14h30 jusqu'à à peu près 16h. Nous allons déambuler un petit peu comme ça au gré. Vous entendrez forcément le tambour ou en tout cas la voix d'Eric Aliana à un moment quelque part. À un moment, c'est sûr. Donc, soyez présents, soyez dehors. De toute façon, il fera beau, il me semble, vendredi dans notre belle contrée vosgienne pour se mettre une petite mise en bouche du concert qu'il va y avoir. Parce qu'après, le concert commence à 19h30 avec Eve et Dino que nous avons écouté juste avant. Tu nous as dit que c'est un duo vosgien. Comment tu as fait le choix de ce groupe-là ? Mais c'est alors on a aussi un proverbe, tout le monde le connaît, ce qui est pour toi, l'eau ne l'emporte pas. Ce qui est pour toi, l'eau ne l'emporte pas, et il faut croire que Dino et Eve, c'était pour cette programmation-là, parce qu'on les a sollicités un petit peu tardivement, par le biais donc du propriétaire qui nous accueille au Relais des Anges où va se tenir le concert, qui connaissait Eve, qui est... qui fait de la musique, qui est chanteuse, et qui m'a dit, écoute, peut-être qu'elle serait intéressée, je crois qu'elle serait intéressée d'être sur ce festival, ça, vraiment, ça lui ferait plaisir, et au-delà de ça, pour être sur une scène, vraiment, elle serait extraordinairement contente. Donc j'ai appelé Eve en lui disant, ben voilà, nous n'avons qu'une date, et nous avons déjà tout bouclé, est-ce que vous êtes dispo ? Oui, je suis disponible. Et oui, on serait vraiment très intéressés. Donc il n'y a pas eu un casting, vraiment ça s'est imposé à nous, de part et d'autre, et c'est très bien parce que Eve et Dino, d'abord et d'une, nous voulions une scène locale, ils sont donc vosgiens, et d'autre part, ce qu'ils chantent, ça correspond tout à fait à ce que nous souhaitions, donc c'est musique du monde, puisqu'ils font un peu de bossa nova, un peu de jazz, un peu de variété française, ils sont totalement dans le, voilà, dans le, comment on appelle ça, la recherche que nous avions de ces musiques qui se retrouvent, qui se mélangent, qui sont de la Caraïbe, mais qui sont du monde. Et donc, bossa nova et jazz, ça pouvait pas mieux tomber. Et en plus, avec cette petite voix légère qu'elle a, elle aussi, une très belle voix, avec une instrumentation très légère derrière, très épurée, de la guitare, ça tombait très très bien, donc on sait plus tout de suite. Oui, en effet, et puis c'est comme ça, hein, même assez naturellement, qu'ils vont ouvrir la soirée du festival, hein, les concerts. Donc c'est Eve et Dino, comme on le disait, on a écouté juste avant leur morceau Les Eaux de Mars, qui est, tu l'as dit, très épuré, très simple, très doux, et pourtant... Voilà, il est bien, quoi. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Absolument. Oui, comme tu le disais, un groupe vosgien en plus qui t'a été proposé par le Relais des Anges, parce que c'est là que le concert va se passer, absolument. C'est ça ? Oui, absolument. Et oui, donc ça c'est pour le concert. D'ailleurs, les ateliers, ça va aussi se passer au Relais des Anges ? Oui, il y a une grande salle qui va être réservée à cela. Et les concerts se feront légèrement en extérieur. On a un espace suffisamment grand et agréable entre bien-être et convivialité et en même temps intimité. Donc ça sera pas le festival des 5000 ou 10 000 personnes, pas encore, ça viendra. Mais là, ça sera un petit peu plus intimiste, mais nous espérons quand même que le public répondra présent et que nous serons suffisamment pour à la fois profiter d'une très belle scène avec une belle sonorité et puis un espace vraiment très très agréable en plus. En effet, et comme tu le disais, profiter d'une belle sonorité parce qu'il y a aussi un concert donc ouvert par Eve et Dino, comme je le disais. Et ensuite, ça continue avec le groupe Duoka, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est Marcel et Jean-Fred, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Jean-Fred Castry est d'une lignée de musiciens en Guadeloupe. Je dirais presque que tous les Castry en Guadeloupe, tous ceux qui ont ce nom, sont musiciens ou chanteurs. Donc, ils sont dans le tambour, ils sont le saxophone, la guitare, ils chantent, ils ont des orchestres, enfin, c'est assez incroyable. Et il a en plus une école de musique, donc il forme des enfants, Jean-Fred Castry, il forme des enfants à la musique, avec cette école de musique qu'il a ouverte il y a plus de 20 ans, mais également, il écrit et décrypte les partitions, et a écrit des méthodes pour apprendre également à jouer du groka. Donc c'est vraiment un musicien accompli, et Monsieur Magna Marcel, qui l'accompagne, lui, c'est le groka, c'est aussi un musicien qui accompagne les plus grands artistes, les plus grands tambouillés, et Beaucoup de grands artistes l'invitent sur leur scène pour les accompagner au tambour. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et tous deux donc, ont fait un duo exceptionnel pour les besoins de ce festival. Donc ils sont en train de répéter au moment où je vous parle, pour un moment de partage musical autour de l'instrument groka et du saxophone. Nous allons avoir un duo assez intéressant. Un duo, je pense, qui ne se retrouve pas non plus très souvent. Là, c'est vraiment de la composition, c'est travailler ensemble pour mêler ces instruments qui, bien sûr, dans des grandes formations peuvent se retrouver, mais là, le ka et le saxophone vont se retrouver mêlés pour un duo à la fois intimiste, mais avec beaucoup de traditions musicales qui viennent donc de la Guadeloupe, mais de toute la Caraïbe et de l'Afrique, puisque le groka, c'est cet instrument emblématique, traditionnel, qui est sorti d'Afrique il y a quelques centaines d'années, qui a été, on va dire, aménagé, revisité, et qui est devenu l'instrument de l'esclavage, dans cette période de l'esclavage où ils parlaient entre eux avec ces sonorités-là. Et aujourd'hui, le groka, qui a sa particularité, qui a son histoire, qui a sa sonorité, qui a son rythme, ses rythmes, donc accompagne tous les quotidiens des Guadeloupéens et également de la Martinique, puisque là aussi cet instrument se retrouve avec un autre son qui s'appelle le bélé. Mais donc le groka accompagne vraiment tous les moments de la vie. On se marie, il y a des tambouillés pour rythmer ce mariage. La naissance, il y a des instruments pour rythmer cette naissance et fêter la naissance. Il y a les moments du grand départ, celui du voyage sans retour. Il y a aussi un accompagnement, donc on peut avoir des tambouillés pour faire la fête, pour danser tout simplement, pour s'amuser sur la plage. Il y a le tambour qui est là. Chaque moment de la vie est vraiment, vraiment accompagné avec cet instrument qui est présent partout dans la vie, dans tout le quotidien des Guadeloupéens. C'est le groka. Et je tiens à préciser que cet instrument vient d'être classé l'année dernière comme étant le patrimoine immatériel à l'UNESCO. Ah oui, donc c'est important de le souligner. C'est vrai que tu l'avais dit plus tôt dans l'émission que cet instrument est quelque chose d'assez important parce qu'il porte, c'est un instrument, je crois, il a le nom d'une danse, d'un style musical. Voilà, c'est une danse qui s'appelle le groka. C'est une musique, le rythme, c'est le groka et l'instrument s'appelle le groka. Et donc c'est un instrument vraiment qui a une histoire, c'est un patrimoine très très fort dans sa fabrication. Au début, on appelait ça le bois fouillé. Le bois fouillé, c'était fait dans un tronc qui était creusé, fouillé, avec une toile, enfin une peau de chèvre, enfin nous c'est le cabri, avec une peau qui était tendue dessus et cerclée, et qui a permis effectivement de faire en sorte que cet instrument ait une sonorité très très particulière. Et aujourd'hui il est fait avec des petits tonneaux, des tonnelets, mais là aussi c'est tout un travail, n'est pas artisan, n'est pas instrument, celui qui fabrique le groka, eh bien c'est pas non plus n'importe qui, il y a très très peu de personnes qui ont ce savoir-faire. Et chaque instrument, chaque musicien, c'est un peu comme une partie de lui-même, son instrument. Il ne le quitte pas, il l'accompagne partout. Et un tambouillé est un maître vénéré, respecté pour la qualité de sa musique. Et certains, ça, on se les arrache, parce que lorsqu'on parle de tel musicien, eh bien, ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres de cet instrument. Et M. Marcel Magna, qui sera avec nous, est un maître également de cet instrument. Et là, tu m'as vraiment donné envie d'en savoir plus sur le groka, même si tu m'en as déjà dit beaucoup. Mais on aura l'occasion d'en voir un de près. Il vient avec son instrument. Et donc, lors de l'atelier, il y aura un instrument, il y aura le groka qui sera présent. Pour l'atelier percussion avec Duoka, en effet, comme tu le disais, atelier qui ont lieu du matin 9h30 à 12h30, c'est une heure par atelier, c'est ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas défini de timing, vraiment pas. C'est pour qu'il y ait, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment dans une espèce de partage, de questions-réponses, voilà, d'initiation, que le tambouillé puisse montrer comment ça se joue, les différentes sonorités. Donc, c'est quelque chose d'ouvert. Voilà, vous pouvez arriver à l'heure que vous le souhaitez, vous prendrez en cours, vous poserez vos questions. Voilà, c'est quelque chose de vraiment ouvert. On n'a pas segmenté par temps horaire. Voilà, vous restez plutôt flexible et ouvert. Voilà, plutôt flexible. C'est un esprit très festival aussi, que tout soit pas chronométré à la minute près. S'il y a par contre quelque chose qui est chronométré, c'est l'heure à laquelle les pauses musicales passent et c'est déjà l'heure de la troisième et dernière pause musicale. Encore un morceau d'Eric Aliana. On va y venir tout doucement. Il reste, je crois, deux groupes à présenter, donc Tchoukboi et Eric Aliana et Piquette pour la soirée du concert. Mais en attendant, on va se passer un morceau d'Eric Aliana tout seul, le morceau... Attends, je vais y arriver. Kurungangan, c'est ça? Je saurais peut-être pas faire mieux. Donc, c'est son morceau Kurungangan et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Tamakeri, tamakeri, tumburana, tumburana, kumburana, kurana, tumburana, mwane dongo, hatena momwisi kani, tamakeri, dongorum. Tamakeri, Nungo, tumburana hatena. I want to call Kurungangan. Tamakeri, Tongorum, Vivarana, Vivana, Mporo. Kurara mware dongo kurungangang kurungangangangangangangangangangangang he kurungangang kurungangangangangangangangangangang he kurungangang kurungangangangangangangangangangangang Tu veux quoi, mon sober religion? Wenda Siri, Wena Mamo Songare, Amgare, Ngare, Ona Mosova Joe. Wenda Mali, Wena Mosonungo. Wenda Siri, Wena Mosambi, Ngarenga Namo Toto. Wenda Africa, Mbi Nga Namo Pro, Pro, Pro. Ngaye Ketirandona, Ngaye Keso. Kayano Kuru Kuru eh Ha Kuru eh Oh Kuru ngangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Guru, I don't know, Guru, eh, how are you? Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir ou gagner des places, hein, ou pour le concert de vendredi, le festival des marchés, marché des arts vivants et des musiques du monde, qui a lieu vendredi le 20 juillet à partir de 19h30 à Rue au Relais des Anges. J'ai trois places à faire gagner, donc n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40. Ou aussi pour le concert du samedi 21 juillet 20h45 pour Jean-Paul Poletti et le chœur de certaines, donc des polyphonies corses à l'abbatiale Saint-Pierre à Remiremont. N'hésitez pas aussi à appeler au 03 29 62 40 40. 10 places pour cette fois, donc 13 places de concert à faire gagner. Et si vous voulez juste réagir ou passer un petit coucou, vous pouvez aussi sans le moindre problème. Et je suis toujours avec Martine Fazer de l'agence Tropic Events, donc qui a un pied à Mulhouse, un pied en Guadeloupe et qui fait plein d'événements en tout genre pour l'ouverture culturelle, hein, des salons, des festivals, et c'est une première édition dans les Vosges. Juste avant, on a écouté encore un morceau d'Eric Aliana, d'ailleurs on en a parlé un petit peu hors antenne ou hors micro. On va passer aussi des morceaux des deux autres musiciens juste après, à la joie, l'heure qui tourne, ouais, quand l'émission sera terminée. Donc on a parlé de Duoka. Qu'est-ce que tu peux nous dire brièvement sur Tchoukboa? Alors là, Tchoukboa, c'est un groupe, comme je l'ai dit, là, il y a un plateau pour cette première édition du festival, avec donc une scène locale. Nous avons parlé du duo Eve et Dino, qui viennent des Vosges, de Duoka, qui est un groupe de musiciens saxo, et Groka, qui viennent de Guadeloupe. Et là, maintenant, nous avons Tchoukboa, c'est un groupe, lui, qui vient de Haïti, des Gonaïves. Et c'est un groupe qui est fondé depuis en 2012, qui aujourd'hui rencontre un succès phénoménal, parce que justement ils sont à la fois mêlés la tradition orale, dansée, chantée. Toute leur musique, voilà, révèle un petit peu cette tradition qu'est Haïti au travers de la musique vaudou, mais au travers aussi de l'instrument, au travers des traditions vocales, au travers des traditions chantées. Et c'est tout cela qu'on entend ou on sous-entend dans leur répertoire. Et c'est donc un répertoire très riche, très musical, très coloré, très, très prenant, qui vous porte et qui vous transporte. Donc le groupe parle donc de famille, bien sûr, il parle de tradition, ils ont un vocabulaire rythmique qui est extrêmement riche aussi, et ils sont, comment dirais-je, dépositaires vraiment, au travers de leur musique, des racines de leur pays et de Haïti. Donc vraiment, c'est Tchoukboa aujourd'hui. Je tenais à le dire aussi, quand je les ai contactés pour ce festival, ils m'ont été chaudement recommandés parce qu'ils sont très très très demandés en ce moment. Donc on m'a dit, si tu veux avoir un groupe qui corresponde, c'est vraiment ce groupe-là qu'il faut avoir. Et quand j'ai appelé le manager, il me dit, écoutez, tout dépend de votre date parce qu'on est déjà très très pris au mois de juillet. Il se trouve que nous avons un concert à Bordeaux le 19 juillet. Nous avons un concert le 21 à Nancy, mais j'ai dit, moi c'est le 20 juillet, donc ça tombe bien. Et ils m'ont dit, ben oui, le 20 juillet, nous étions en pause entre 2-3 dates. Mais j'ai dit, mais est-ce que cette date-là, vous pouvez me la garder pour moi? Parce que c'est le 20 juillet que je fais mon festival. Là encore, les anges ont joué. Parce que vraiment, toutes leurs dates étaient prises pratiquement. Il y avait très peu de temps. Et il se trouve qu'ils avaient une seule date qui était disponible. Et c'était la date de mon festival. J'ai dit, donc c'était fait pour nous. Et donc voilà, donc il faut le crochet. En sachant qu'ils viennent de Bordeaux, je crois. Donc ils vont faire plus de 10 heures de route pour arriver le 20 à Rupp pour jouer le soir et repartir très tôt le lendemain matin pour Nancy pour un autre concert qu'ils ont le soir même. Donc voilà, je les remercie au travers donc de cette prise de micro. C'est aussi pour moi l'occasion de les remercier le manager, que Tchoukboa puisse être là et partager avec nous cette scène de cette première édition du festival à Rupp-sur-Moselle. En effet, on les remercie. Et ça, c'est donc, oui, on remercie Tchoukboa pour sa disponibilité, qui, comme tu l'as dit, court vraiment après le temps. Et ça y est, c'est le moment de parler du dernier groupe avant de parler des informations d'usage, donc le lieu, le prix d'entrée, peut-être les repas, je crois, s'il y a possibilité de prendre des repas sur place. Enfin bref, parle-nous d'Eric Aliana. Et de Piquette. Eric Aliana et Piquette. Piquette, c'est vraiment son, on va dire, c'est son confrère. C'est un musicien qui l'accompagne depuis plus de 10 ans, je crois. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils se connaissent, mais ça fait au moins 10 ou 12 ans qu'ils font de la scène ensemble. Eric Aliana est un auteur-compositeur, je l'ai dit tout à l'heure. Il est interprète, mais il est aussi multi-instrumentiste. C'est un régal sur scène. Je l'ai dit pour les autres groupes, mais je le dis encore là, c'est un vrai régal sur scène. Je l'ai vu une seule fois sur scène et j'ai été conquise tout de suite et je me dis, il me faut cet artiste-là pour le festival. En plus du fait d'être un artiste très riche, qui est, on va dire, multi-instrumentiste, mais qui a plein de facettes. Il danse, il chante, il est généreux sur scène, il parle avec son public, il raconte de belles histoires de son Afrique natale. Et puis, surtout, il a eu des connexions qui sont vraiment captivantes entre le Japon, entre les États-Unis. Il a rencontré les bonnes personnes sur sa trajectoire musicale et donc des influences qui sont extraordinaires. Et ce qui m'a plu dans cet artiste, c'est sa générosité. Vraiment, c'est quelqu'un qui parle vrai, qui a une sensibilité à fleur de peau dans sa musique, dans sa relation avec le public sur scène, dans sa manière d'évoluer sur scène, dans sa manière également de laisser la place justement à son partenaire de musique et d'arriver à faire ce que j'appelle moi des fusions. Et il y en aura sur sa scène également, il y aura des fusions avec d'autres artistes qui sont passés avant, ça c'est la surprise que je laisse découvrir donc au public qui sera là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très riche, qui est plébiscité par la presse, que ce soit Télérama qui est relativement avare de compliments pour des artistes, que ce soit Télérama, que ce soit Libération, Les Incorruptibles, que ce soit In Rock, bref, pas mal de médias qui ont un regard très pointu sur la culture, sur la musique, sur les artistes, se sont arrêtés sur son travail et l'ont plébiscité, et à juste titre, parce que vraiment il a une musique qui est intéressante et sa voix aussi est extrêmement intéressante, et il a de très belles histoires entre chacune de ses chansons. Donc il sait faire vibrer le public et le mettre en haleine. C'est un artiste de grande qualité que je suis vraiment ravie d'avoir sur cette scène. En effet, c'est un artiste que vous aurez l'occasion d'écouter donc vendredi 20 juillet à Rue-sur-Moselle au Relais des Anges. Et tu sais quoi, en fait, on a le droit de déborder un petit peu, donc on va déborder un chouette. Petit peu. Et avant qu'on passe la billetterie, parce que c'est vrai qu'il reste deux groupes à écouter, il y en a peut-être un qu'on va s'écouter post-générique, mais on va peut-être s'écouter au moins un des deux groupes. Il s'agit de Tchoukboa, leur morceau Cousin Zaka, que j'ai trouvé, qui semble assez intéressant. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Ule, ule, ule, ule. Ule, chupali. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Cousin Zaka du morceau du groupe pardon Tchoukboa Libeté, en espérant que je le prononce bien. Toujours pour la programmation du festival donc Marché des Arts Vivants et des Musiques du Monde qui aura lieu vendredi 20 juillet 2018 au Relais des Anges à Rue sur Moselle. Et donc on a présenté les différents artistes hein, pour ceux qui ont envie de connaître un petit peu ce que propose le dernier artiste ou le dernier groupe du Oka. Je vous invite à rester jusqu'à après le générique. Et oui, comme on n'en a pas trop parlé parce qu'il y avait tellement de choses à se dire durant cette émission, serait peut-être bien de parler hein, des dernières informations d'usage, donc les horaires, les tarifs et s'il y a possibilité de se restaurer sur place. Oui, tu peux parler, t'inquiète okay. pas, ton micro est allumé. Eh bien écoute, merci, j'avais plaisir à écouter Tchoukboa et tu vois, je dansais déjà, je trémoussais déjà sur ma chaise. Oui, en effet. Oui, ça, c'est vraiment un rythme qui vous entraîne, bien malgré vous, parce que ça éveille en nous ce côté, on va dire, racine, traditionnel. Et voilà, on a le corps qui tout d'un coup se met à bouger alors qu'on est normalement assis tranquillement. Voilà, donc c'est ce que ça va vous faire aussi en venant sur place et que vous aurez envie de bouger et pourquoi pas de danser avec le partenaire qui sera à côté de vous. Mais ouais. Voilà, c'est danse, se danse toute seule et on laisse juste porter son corps par la danse, par la musique qui nous envahit. En effet, et je rajoute aussi que si vous voulez une place gratuite, c'est toujours possible, hein, appelez au 03 29 62 40 40 pour une place gratuite pour le marché des arts vivants et des musiques du monde, vu que ça y est, on va venir à la billetterie, comme ça vous saurez une bonne raison d'appeler. Absolument. Et la billetterie, eh bien, c'est très simple, c'est un festival. Il y a un seul tarif, c'est 30 euros pour l'ensemble des concerts. Donc vous venez à 19h, le premier concert débutant à 19h30. 20h, il y a donc 19h30, nous commençons par le duo de Dino et Eve. À 20h, nous poursuivons avec Duo K qui va rester aussi une demi-heure sur scène, 45 minutes avec les rappels. Ensuite, nous avons toute une heure de concert avec Tchoukboa. Une heure et au-delà, ensuite encore une heure quinze avec Eric Aliana. Donc vous avez toute une belle soirée de concerts avec quatre artistes, quatre tempos différents, mais quand même qui chacun ont quelque chose à voir. Ils sont dans ces musiques du monde, ils sont dans cette variété, dans cette comment dirais-je, dans ce mélange, dans ce partage. Et je pense que vous devriez passer une très très belle soirée avec l'ensemble de ces artistes généreux qui ont beaucoup de choses à vous transmettre. Donc une billetterie, disais-je, donc de 30€ pour l'ensemble des concerts, et en prenant votre billet, vous pouvez participer gratuitement, bien sûr, aux ateliers, venir à la rencontre des artistes le matin à partir de 9h30 et jusqu'à midi, ils seront là avec vous pour vous parler de leur musique, de leur instrument, vous permettre d'écouter, de tester, d'initier, pourquoi pas. Donc voilà, vous pouvez, c'est 30€. Si vous êtes un groupe, au-delà, à partir de 5 personnes, le billet passe à 25€, à condition effectivement d'être un groupe, et pour un enfant jusqu'à 12 ans, c'est 12€. Donc ça sera gratuit pour les tout-petits jusqu'à 4 ans, je le précise quand même, mais à partir de 4 ans et jusqu'à 12 ans, c'est 12€. Voilà pour les tarifs. Et puis bien sûr, donc pour réserver sur place, vous pouvez donc venir sur place retirer votre billet dès maintenant, hein, les billets sont disponibles. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous allez sur billets web, c'est en ligne, c'est billet comme un billet web.fr, Festival Marché des Arts, et vous pourrez donc réserver votre billet en ligne de la même manière, il vous sera adressé sur votre boîte email sans avoir à vous déplacer et pour le même tarif de toute façon. Sinon, vous pouvez me joindre au 07 71 81 32 82 pour pouvoir soit réserver, soit avoir plus ample information. Et enfin, vous avez la page Facebook qui s'appelle Le MAM, MAM-le Festival. Et là, vous pourrez donc avoir toutes les informations sur la programmation dont nous venons vous parler. Et je précise quand même que ce concert, en tout cas ce festival avec les ateliers et les concerts, se tiennent donc au Relais des Anges, à Rupt-sur-Moselle, le Relais des Anges qui se trouve rue de l'église, autre entre de l'église. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je pense que tu as tout dit. Je pense que pour ceux qui voudront manger sur place, il suffira d'aller se renseigner ou de demander au Relais des Anges. Voilà, on peut manger sur place, il y aura ce qu'il faut. Si j'ai une question à te poser, si oui. Tu le sais, il y aura moyen de manger pour des végétariens ? Je pense que oui, parce que c'est une très très bonne table. Vraiment, Cédric et Valérie qui tiennent ce lieu sont d'une gentillesse incroyable. Mais plus fort, c'est que ce lieu aussi, on l'a retenu parce qu'il y a une sorte de bien-être qui transpire. Voilà, qui transpire dans ce lieu. Et c'est vrai que c'est un lieu de bien-être aussi. Vous pourrez, je l'ai découvert et j'ai apprécié ce lieu, mais vous pourrez aussi vérifier que sur leur site internet, vous avez plein d'informations. Vous pouvez aller vous faire masser. Il y a des chaises massantes. Il y a tout ce qu'il faut là pour être bien et bien manger également. En effet, donc il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin, et comme tu le disais, hein, vous avez il y a la page. Or sinon, la page Facebook Agence Tropic Events SAS qui sera bien entendu tagué sur la page Facebook, hein, comme la page Facebook de l'événement lui-même. Je pense aussi le Relais des Anges, hein, bien entendu. Enfin, oui, les auditeurs ont l'habitude tague tout ce qui est possible pour avoir toutes les informations possibles et inimaginables pour l'émission. Mais d'ailleurs, ça y est, on va tout doucement devoir s'arrêter. Ça y est, on entend le générique. Et donc, avant de se dire au revoir, ça va être le moment de faire la programmation de la soirée. Donc, à partir de 20h, on retrouvera Michel pour son émission La Parole est à vous, suivi de 22h à 22h30. J'ai aimé, je vous le lis, avec Dominique. Et la nuit commencera ou la continuera avec la rediffusion de La Bulle de Lia, qui a reçu ce midi les secrets santé de Mathilde pour faire dans le bien-être. Sinon, la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, c'est demain matin, 7h, 8h, et pas de chronique pour demain matin. Mais pour les petits curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, elle sera bien entendu en podcast sur la page Facebook et sur le site internet radioguemozo.eu, rubrique l'heure des loups, aisément écoutable, téléchargeable, ordi, smartphone, peu importe le système d'exploitation, ça marche dans tous les cas. Et on se retrouve demain, même heure, pour parler de la garantie jeune avec la mission locale, donc avec Régine Thomas et Régine et Thomas et des jeunes bénéficiaires de la garantie jeune. Enfin voilà, ça c'est pour les infos que j'avais à transmettre pour la programmation. Donc toujours avec Martine Fazer pour cette fin d'émission. Et d'ailleurs, je précise, hein, restez à l'antenne pour écouter un morceau, donc hommage à Raoul Cyril, Serva par Marcel Magna, donc pour le groupe Dioka, ça y est, j'ai retrouvé mes notes. Mmh. Enfin voilà, encore une fois, merci beaucoup Martine de m'avoir accordé ton temps et d'avoir mis en avant ton événement, donc ce vendredi 20 juillet 2018 à Rue au Relais des Anges, hein, le marché des arts vivants et des musiques du monde. Après tout, il faut continuer dans l'ouverture culturelle, il faut continuer dans la découverte et dans la bonne humeur, et c'est ce que tu vas faire ce vendredi à Rue. Merci beaucoup de m'avoir invité Lou, et merci donc pour, à Radio Gemozo de m'avoir donné l'opportunité de présenter dans le détail cet événement. Mais je t'en prie, et je remercie aussi les auditeurs qui ont aussi suivi l'émission jusqu'au bout, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui envoient des mails, qui appellent, qui envoient des SMS, je suis réceptive mais vous le savez très bien. Enfin bref, je vous remercie, je vous retiens pas plus longtemps, on retrouve tout de suite juste après le générique du Hoka, et sinon on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gemozo. Bonne soirée à tous!